On avance, je vais juste vous dire, j'ai découvert quelqu'un que par exemple, je sais que quelqu'un dans la salle connaît bien, enfin connaît bien en tout cas, connaît son travail, puisque je crois qu'elle a des interviews même. C'est qu'on peut passer par l'évolution, mais aussi on peut faire des films un petit peu, alors je vais pas vous montrer en entier, mais pendant que les gens se préparent, évidemment c'est, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, donc c'est un peu agaçant, c'est moi. Et Alexis, je veux bien récupérer le scénario aussi. Oui, et celui qui a le dossier. Celui qui a le dossier de Mamie Rondello. C'est lui, c'est elle qui l'a. Avec elle le garde. Non, on va récupérer le dossier, donc tu peux le débattre. Merci. Après, vous trouvez sur. Ça, c'est assez papier, mais vous trouvez de toute façon sur Internet. Ouais. Juste asseyez-vous, comme ça on va pas perdre trop de temps. Oui. Et juste je voulais vous dire voilà. Parler de. Je veux pas montrer le film parce que j'ai pas l'autorisation. J'ai pas eu le temps de lui envoyer un message. Je connais pas. Mais Peter Millar, qui est une. J'avoue une blague pour moi. Je connaissais pas bien. Et de voir la vie à qui dit juste. Là c'est pas bien ce que je fais parce qu'il y a un jeu sur le sort absolument incroyable. Mais il y a des moments de nuit où on va s'arrêter pendant. Disons sur du noir, il y en a un peu plus que ça. Il y a une espèce de folie et qui, je pense, passe aussi par des gens qui, à un moment donné, sont obligés de travailler, enfin, travaillent dans des ateliers, travaillent sur autre chose, et finalement, ne passent pas par des commissions pour récupérer l'argent. C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, et notamment en France, puisque tout le monde ne peut pas avoir de l'argent. Enfin, moi, je suis souvent membre de commissions absolument terribles où on est obligé de retoquer des gens qui, des fois, sont toujours au premier rang ici. C'est très compliqué les dossiers parce qu'il y a de plus en plus de gens en France. Et c'est vrai qu'à ce moment, on doit dire tiens, on va prendre tel ou tel dossier et d'avoir peut-être des fois un coup de folie comme ça et faire des films comme ceux de Peter Millar. Et ça fait du bien aussi en animation. Je vous le conseille, il a mis sur son vidéo Peter Millar, M-I-2-R-A-F-D. Et c'est juste complètement fou. Et ça fait du bien. Alors, merci beaucoup à tous les trois d'être là. La Guilde des Scénaristes, est-ce que quelqu'un déjà peut nous expliquer? Alors, je vais vous demander de vous présenter. Et ensuite. Alors, comment ça marche ça marche, non. Il faut juste prendre. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Voilà. Comment ça marche? Hop. Vous avez deux micros. Je reprends celui-là pour l'avoir avec moi. Et vous prenez les micros. Et c'est bon. Alors, je vous écoute. Comment... Déjà, parce que je connais qu'une personne réellement. Les trois. D'accord. Je vous écoute. Alors, je suis Thierry Godin. Je suis scénariste principalement en animation depuis 2005. Voilà, je fais un peu de bande dessinée aussi et je suis donc élu au conseil de la Guilde des Scénaristes. Voilà. Alors moi, je suis Marie de Manville et je suis scénariste aussi depuis 13 ans, principalement en animation, mais pas seulement. Et qu'est-ce que je fais de beau? Ouais, un peu de direction d'écriture aussi, en fait. Enfin, voilà, tout un tas de déclinaisons des métiers de scénariste. Et voilà, je suis élu aussi. Et oui, bonjour Annecy, bonjour. Ça va, vous n'êtes pas depuis tôt en fait ce matin, c'est ça? Certains, oui. Ah là là, je vous félicite. Moi, c'est Mathieu Choquet, je suis scénariste de dessins animés pour la télévision française. Je suis à la Guilde des Scénaristes en tant que membre depuis, quelques années. Et là, cette année, je suis au conseil. Alors, la Guilde des Scénaristes, c'est quoi? J'ai envie de dire, c'est un rêve, c'était un rêve à réaliser. Un peu comme le restaurant de Francky Vincent. Chanson que je vous invite à écouter tous. On la connaît. Ah, formidable. La Guilde des Scénaristes, qu'est-ce que c'est? C'est un syndicat dans lequel on a réuni des gens qui font de l'animation, de la télévision, du cinéma. C'est bien déjà. C'est tout, il n'y a pas de planétarium encore, non. Mais on y réfléchit. Et on se réunit tous pour essayer de définir un avenir radieux à cette belle profession du scénariste de l'audiovisuel. Pour ça, donc chaque année, il y a des élections et on élit un conseil avec de la fiction, de l'animation, du cinéma et chacun va essayer de faire avancer dans son domaine une petite, un sujet. Donc nous, en animation, on a tout un tas de petits chantiers que je vais laisser mes camarades qui sont vice-présidents détailler, parce qu'après tout, c'est eux les boss en ce moment. Voilà, j'espère que vous allez bien. À tout de suite. Quand on m'a contacté, on m'a dit, la Ligue des scénaristes aimerait bien pouvoir. Alors moi, plutôt au départ, c'était plutôt par rapport à mon activité de journaliste, on va dire. Je me suis dit, ça peut être intéressant puisque vous êtes là au 3A. Je fais rarement des choses. On a fait il y a longtemps un travail déjà sur la télé, puisqu'évidemment, c'est quelque chose de très important. On avait plutôt parlé des projets qui ne fonctionnaient pas, donc on va essayer de voir aussi d'autres choses. Et j'ai eu la chance de faire, et c'est un petit préambule pourquoi aussi je vous propose ça aujourd'hui, c'est qu'on a eu la chance de faire une rencontre au 104 avec Beaumarchais, qui s'était rendu compte que beaucoup des projets qu'ils aidaient, finalement, ne passaient pas le cap de l'aide, et que les télés avaient du mal à les mettre en place. Et à la fois, quand on avait eu Joseph Jacquet, France Télévisions, ils disaient, mais j'ai quand même essayé de produire Fuite, Last Man, évidemment, etc. Et que... il y a malheureusement pas d'audience, il n'y a juste pas de gens qui regardent. Donc on a une espèce de problématique, moi, qui m'intéressait. On va parler aussi bien évidemment de l'écriture, mais de se dire, c'est bien gentil de râler, de se dire, la télévision française ne fait pas grand-chose, etc. Mais qu'aussi beaucoup de choses ne fonctionnent. Enfin, il n'y avait pas d'audience, tout simplement, par rapport à la télévision un petit peu, sur le déclin, évidemment, par rapport aux nouvelles technologies. Pour compléter, le fait qu'on soit un syndicat de scénaristes, c'est pas juste pour avoir une démarche corporatiste, nos droits. C'est très important, mais tout ça participe de la façon dont on travaille et du fait que quelle est la place de l'écriture, notamment dans notre beau pays, de Beaumarchais, justement. Et l'idée, c'est de redonner sa juste place au scénario, à l'écriture. Alors, tous les discours sur, effectivement, le public ne veut pas ça. Je trouve formidable tous ces gens qui savent ce que le public veut. Et la recette du succès, on a l'impression qu'il y a des milliers de gens qui ont la recette du succès, sauf que si c'était le cas, eh bien, il n'y aurait que des succès, ce qui n'est pas le cas. Et il y a des choses formidables qui ratent, il y a des choses moins bonnes qui ont de gigantesques succès. Nous, notre démarche en tant que syndicat, c'est aussi, avant tout, comment pouvoir travailler dans de bonnes conditions et pouvoir faire en sorte que les choses les meilleures possibles puissent arriver sur les écrans. Et pour ça, il faut des contrats corrects, il faut... des tuyaux corrects, il faut que les commissions prennent en compte et soient de plus en plus exigeantes sur les projets et sur l'écriture. Donc c'est vraiment dans une démarche comment faire en sorte qu'on puisse faire le mieux possible notre métier pour que des choses de la plus grande qualité possible arrivent sur les écrans. Alors, de manière concrète, peut-être la première chose, les contrats, on va parler de ça, et puis après on parlera évidemment, parce qu'en plus là il y a des manifestations ou quoi, pour le statut junior de jeunes qui vont en orange, etc., et qui manifestent un petit peu, en tout cas qui donnent des tracts. Vous, il y a cette idée déjà d'avoir des grilles comme ça, où on dit quand on travaille, on attend de... l'heure est payée comme ça. C'est des choses comme ça ou non? C'est plutôt... comment ça se passe, ces négociations avec les grosses chaînes et ce genre de choses? La Guilde des services s'occupe de ça ou pas forcément? Alors... la Guilde des scénaristes tient à rappeler à tous ses membres aussi et aux partenaires avec lesquels les scénaristes sont amenés à travailler, qu'est-ce qui est de l'ordre du comportement correct ou non. Elle veille à ce que les abus puissent être au moins discutés, et voire elle peut intervenir dans certains cas pour vraiment auprès des producteurs pour se plaindre et pour dénoncer certaines pratiques. Après, elle ne peut pas tout gérer non plus. Enfin, c'est le but. C'est de se référer à ce qui se fait dans la profession et puis avancer doucement. Et puis des fois, régulièrement rencontrer tous les partenaires, que ce soit le SPFA ou le CNC ou tout un tas de gens, la NEF, plein de gens pour pouvoir d'abord et avant tout comprendre ce que font les uns et les autres. Parce que c'est ça que je voulais aussi rajouter, c'est-à-dire que le travail de scénariste, pour plein de gens, ce n'est pas très évident. En fait, surtout qu'on est dans un pays qui a eu la grande chance d'avoir connu la nouvelle vague, mais il y a une des conséquences, c'est que l'auteur-réalisateur est devenu un peu le seul qu'on écouterait, et des fois, et ça se passe de moins en moins comme ça, tous les réalisateurs ne sont pas auteurs. Enfin, ils ont des idées, ils ont des envies, et c'est louable, et c'est très bien. Sauf qu'on est vraiment dans un métier collaboratif, et qu'à un moment... c'est cet équilibre-là aussi auquel on veille, parce que tout à coup, il y a eu les films de commande, on va dire, l'animation, toute la partie industrielle, c'est beaucoup de la commande. Donc là, le scénariste a un rôle, mais là aussi, qui des fois est limité à des choses où où commence l'écriture, où s'arrête-t-elle. Moi, j'ai fait une direction d'écriture où je corrigeais les, jusqu'aux animatiques pour veiller à ce que la, la narration ne perde pas son sens quand elle passe dans, dans les cases du storyboard, puis en rythmique. Voilà, c'était une production qui considérait que l'écriture commençait avant dans le développement et finissait aux animatiques. Il y a souvent eu des chances, quand je parle à des scénaristes notamment, de me dire ben, c'est peut-être une des chances qu'on a en animation, et des gens qui travaillent pour les deux, se dire qu'en animation, le travail du scénariste continue. Des fois très loin, en effet, des fois jusqu'à animatique, si possible, alors que des fois en prise de vue réelle, il s'arrête au moment où on donne le scénario finalement, et puis on passe la main. En fait, le travail d'écriture, il continue tout le temps. On a tout, c'est la douleur d'ailleurs du scénariste, outre que ce soit un métier très solitaire, d'où l'intérêt qu'on se fédère pour parler entre nous et voir des gens de temps en temps. C'est que de toute façon ça va bouger jusqu'au bout, jusqu'au tournage. Alors en live sur le plateau, il y a des choses où on va s'apercevoir que dans la bouche de l'acteur, ou qu'il y a des choses qui marchaient bien sur le papier qui marchent moins bien, donc forcément ça évolue. Et nous on milite pour être présent le plus tard possible, non pas pour défendre bec et ongle notre texte qui serait quelque chose de sacré, et... non, c'est comment effectivement on peut trouver ensemble. C'est vraiment ce que disait Marie sur le travail collectif. Comment il y a une collaboration à mettre en place avec le réalisateur, les bordeurs, les animateurs, en disant, bah, oui, effectivement, là, comment on peut trouver ensemble quelque chose de mieux, qui va mieux fonctionner à l'écran. C'est-à-dire que c'est vraiment ce travail de synergie. Le scénario, c'est la dalle de béton sur laquelle on va construire la maison de l'épisode fini. Et tout ça, et c'est un peu dommage de se priver de la personne qui a coulé la dalle de béton en disant « Non, mais c'est bon, on va trouver des trucs, si ça marche pas, ben, on va réfléchir à notre côté. » Nous, la démarche, c'est de se dire « Mais non, on peut vraiment travailler ensemble pour obtenir la meilleure chose possible en réfléchissant sur, à partir du scénario et le faire évoluer jusqu'au produit fini qui est donc l'épisode parfait qui fera rêver la jeunesse de ce pays. » Marie ? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai aussi que nous, scénaristes, on raconte des histoires, mais on connaît le langage cinématographique. C'est notre façon, l'écriture, c'est pas du littéraire. Enfin, ça peut être très bien écrit, mais c'est pas le problème. On peut avoir des scénaristes qui écrivent de manière très simple et didascalie. Elles n'ont pas besoin d'être romancées non plus, au contraire. Et donc, du coup, c'est ce partage-là, de cette vision-là. Et tant mieux, coupe les dialogues. Si par l'image, tu peux... Moi, j'ai pas les limites, c'est ça. Moi, scénariste, j'ai construit des choses très visuelles. Toi, réalisateur, tu sais rendre ça encore plus pertinent en coupant de la tchatche. Nous, c'est le but. Hein. Moi, je suis contente quand le border et le réalisateur coupent des dials et qu'ils apportent le même sens avec un regard, qu'effectivement, c'est très difficile d'écrire. Si un regard de haine, nous, on va mettre une phrase qui soutient. Si le regard de haine, il est suffisant tout seul, tant mieux, welcome. Mais, en revanche, si... il se trompe et qu'il oublie, s'il y a des oublis, parce que c'est incroyable le passage au bord, hein. Ouais. C'est vraiment de la réinterprétation très forte, et après il y a toujours un peu d'ego qui se met, alors c'est un peu la guerre des égos des fois aussi, donc si c'est pour du tirage de couverture, c'est vrai que ça ressemble, enfin en série nous des fois ça ressemble pas plus à rien, mais en gros, oui, des fois des choses qu'on écrit, qu'on trouve, c'est-à-dire que c'est plus au service de l'histoire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu au service d'autre chose des fois, il faut juste être sûr. Bien joué. Oui, bonsoir. Juste, je voulais dire, nous, en fait, on travaille pour Dago, parce que là, on est peut-être un peu à froid, donc vous savez peut-être pas de quoi on parle. Juste, j'essaie de remettre un petit peu de contexte. Remets du contexte. Voilà, quand on travaille pour la télévision en tant que scénariste, et là, je ne parle pas en tant que directeur d'écriture, c'est en tant que scénariste. Généralement, vous avez quelqu'un qui a un ami, en tout cas à ce moment-là c'est un ami, après ça peut changer. Vous avez quelqu'un qui vient, qui vous dit « Coucou petit scénariste, est-ce que ça dirait de bosser sur, je sais pas, Loulou et les 120 familles ou Last Man ?» Et vous arrivez, vous avez votre Bible, donc c'est un texte de entre 5 et 50, et 50 pages. Et on vous dit, ah, alors, qu'est-ce que tu pourrais te trouver comme petite histoire? Donc tu trouves ta petite histoire, et puis tu as ton directeur d'écriture qui fait, ah, c'est pas mal, mais alors est-ce que tu pourrais pas faire ça plutôt? Et puis après, donc tu fais le truc, et puis après il l'envoie à la chaîne, et la chaîne elle fait, ah, en fait, on pensait peut-être que c'était mieux, c'était autrement. Et donc tu fais tes petites corrections, et puis après ton texte il disparaît. Et puis deux ans après, tu le vois à la télévision, et des fois ça ressemble, et des fois non. Et des fois pas du tout, et des fois tu dis pourquoi ils ont mis mon nom sur ce truc. Mais bon, alors moi je considère que j'ai eu un peu de chance parce que bon, il y a 2-3 épisodes de séries qui c'était vraiment pas ça, mais bon, le fait est que nous aujourd'hui et je me mets aussi à la place des storyboarders, de certains storyboarders que j'ai pu rencontrer dans ma courte carrière, qui détestent les scénaristes. Ils les détestent. Ils se disent, bon, bah voilà, moi j'ai reçu un truc, c'est ni fait ni à faire, on comprend pas qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, comment, pourquoi, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que le scénariste est mauvais, ce qui est possible, mais à mon avis, c'est qu'il y a un autre souci, qui est qu'il y a un problème de communication. Et ce problème de communication, il peut être résolu d'une façon assez simple, c'est de mettre soit les gens dans la même pièce, soit de faire en sorte que le directeur d'écriture soit au studio, parce que souvent, vous avez aussi le directeur d'écriture, où est-ce qu'il bosse? Il peut être chez lui, dans le Gard, ou dans le Doubs, ou peut-être dans le Calvados, mais des fois, il peut être dans le studio, et quand il est dans le studio, c'est mieux. Donc voilà, en fait, nous, c'est aussi ça, pour revenir donc, sur le fait qu'on soit la ville. Je parle beaucoup, c'est ça? Non, c'est pour ça que je vous sens fascinant, vous seriez... J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, c'est pour ça. J'ai annoncé la soirée, je vous voyais pas bien, je me suis dit, peut-être que ça y est, ils ont fini encore plus tard. Donc, le maître mot, c'est dignité. Pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est juste pour un moment donné, ça veut dire que c'est quoi? C'est des problèmes économiques ou c'est des problèmes d'ego, le fait que ce directeur soit pas dans la même pièce? Non, c'est que des problèmes d'argent. C'est que des problèmes d'argent. C'est toujours des problèmes d'argent. Ce sera toujours des problèmes d'argent. Et de temps. Et de temps. Time is money. La compression du temps, réduire les coûts. Ouais, ça marche aléatoirement. Sinon, elle marche, le bouton est vert, sinon... Sinon, je peux envoyer... le temps, l'argent, c'est toujours la même question dans les processus industriels. La variable d'ajustement, c'est malheureusement. C'est souvent malheureusement l'écriture. Voilà, il faut aller plus vite, il faut livrer rapidement. Et malheureusement, ça peut être au détriment de la qualité. Donc, qu'on soit dans le Doubs ou qu'on soit à Paris dans le studio, il y a des problèmes de communication avec des gens dans la même pièce. C'est juste à un moment, il faut juste se parler et se détendre un grand coup et accepter que c'est une œuvre collective. Et voilà, ce que disaient Marie et Mathieu est très vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste être sûr que tout le monde raconte la même histoire et veuille faire la même série. C'est-à-dire que si ça, c'est beau, et ça dépend essentiellement du développement, si tout le monde est d'accord sur ce que ça raconte, après, tous les changements vont alimenter ça. Le souci, c'est quand tout le monde n'est pas d'accord dans la pièce sans franchement se le dire et que peut-être le producteur n'a pas calé ça. Et en plus, des fois, on a même des gags quand les diffuseurs, on peut travailler sur plusieurs diffuseurs, qui ne sont pas d'accord entre eux sur ce que doit être la série. Et là, si quelque chose n'est pas tranché, ça peut poser des problèmes parce que en fait, il y a plein de gens différents qui ne veulent pas faire la même chose. Et là, c'est catastrophique. L'une des complexités aujourd'hui, donc, c'est cette coproduction des fois où, en effet, ça va arriver en Allemagne et qu'en Allemagne, ils vont dire « Non, ça, c'est impossible à faire dans notre pays. Ah ben non, puis en Norvège, puis en France, et puis etc. » Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour vous, en tout cas, est... Mais c'est une deuxième phase. Et Amit, pourquoi pas? C'est juste à un moment, il faut que quelqu'un, qui doit être le producteur a priori, dise « Bon, mais écoutez, voilà, là, il faut un compromis, il faut qu'on se mette d'accord. » Parce que sinon, si on cherche le compromis dans le cadre de l'écriture, ça fait perdre un temps fou à tout le monde, de l'énergie, les gens s'épuisent. Vous voulez du preschool pour la France, mais l'Allemagne demande plutôt du 6-8 ou de l'action-aventure. Enfin, il y a un moment, juste mettez-vous d'accord pour qu'on puisse travailler, qu'on puisse écrire. Voilà, donc ces problèmes de malentendus, ils sont à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que tout le monde veuille faire la même chose. Voilà. Oui. Je compléterai juste sur le fait qu'effectivement, c'est l'argent. Mais c'est aussi surtout une façon de concevoir les productions, c'est-à-dire cette économie d'argent. En fait, moi, j'ai vu des plantages inverses, c'est-à-dire qu'on se dit vite le développement, on doit le faire, on fait vite, on écourte le développement, donc avec notamment aussi des thématiques plus élargies, une réflexion plus, parce que c'est sympa un développement bâclé. On reste sur 3 grandes lignes, et effectivement, quand arrivent les autres chaînes, ces 3 grandes lignes, ça leur va pas, voilà. Et quand ça commence, en fait, ça commence sur ta dalle en béton, mais pas sèche, quoi. Et d'un moment, ça gondole. Et ce que je voulais dire sur l'argent, c'est que j'ai vu trop de prods, finalement, dire on économise et se retrouver dans une telle galère au bout de 6 mois qu'ils ont 4 directeurs d'écriture. À chaque fois qu'il y a un nouveau directeur d'écriture, le pompier, à la fin, il coûte super cher. Ce qu'il arrive, c'est à une telle marasme qui dit « Attends, moi, si je viens bosser, c'est pour... » c'est pour cher, sinon je ne viens pas, et du retard économique, puisque évidemment, à chaque fois que quelqu'un reprend un projet, ça se décale d'autant. Donc, je dirais que c'est avant tout, même, par rapport à la gestion d'un budget, c'est avant tout une histoire de management et de vision, de respect, parce qu'il y a des boîtes petites qui arrivent à mettre au cœur de leur... enfin, comme base, comme socle de leur série, le temps d'écriture et l'énergie de l'écriture. C'était 4/21 pour qui je suis restée au studio, justement, depuis le début jusqu'à la fin. Et franchement, c'était une des boîtes sans art, enfin, voilà, qui avait à peine... qui n'avait pas beaucoup d'argent pour produire cette série. Donc, c'est des problèmes de production. C'est plutôt là. C'est une vision. C'est des problèmes de vision, finalement, au final, politique et artistique. Que, par exemple, moi, ce que j'entends, où certains studios se disent tiens, là, il y a une case qui va se libérer sur telle chaîne, il faut qu'on crée une série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envie de créer une série pour raconter quelque chose, mais plus pour. Ils sont beaucoup en logique économique, ça, c'est clair. Hein. Ouais. Enfin, je ne sais pas. Bah, non, mais après. Normal, il faut, enfin, il faut vivre, il veut, voilà, c'est, après, bon, c'est un peu embêtant de généraliser, voilà. Voilà, il y a deux différences, j'ai très envie de faire une série, je vais donner les moyens de la faire, ou alors effectivement, je fais de la cavalerie pour payer la série suivante en plaçant des trucs, voilà, c'est, quel est l'élan artistique, comment on respecte ça, comment on va faire la meilleure série possible, et ça, c'est une question de management, voilà. La plus vendeuse pour certains, et qui veulent... Comment on distribue... Et pourtant, j'ai envie de dire, bon, c'est juste quelques petits exemples, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même si c'est difficile, ben voilà, là, vous avez, y a des projets, voilà, la quatrième planète, par exemple, donc un projet qui est d'un ancien de La Poudrière, ça rame un peu, ça m'arrive de temps à autre, hein, vous connaissez quand vous venez ici, on a, bien évidemment, qui est attendu par tout le monde, Last Man. Il peut en parler, hein. Bien sûr, voilà, non, mais on va en parler, je montre juste quelques extraits pour montrer aussi, évidemment, non. Donc là, par exemple, le premier épisode de Last Man, on pourrait parler évidemment des enjeux économiques. Hein. Ici, je suis bien content et qu'essaye de faire cette série un petit peu atypique. On a bien évidemment des choses un peu pas aussi barrées comme Je suis super, bien sûr. Christophe Blanc qui l'a fait quasiment, évidemment, quasiment tout seul, hein, qui est sûr ensuite produit. Évidemment, ça ne va pas marcher, c'est normal. Si, je suis super, je suis désolé, hein, je ne vous montre pas les en entier, mais tout ça, c'est sûr. Ça, c'est produit par France Télévisions. Je suis super. Et je fais la justice. Je fais la justice avec les mains. L'accent juste. Une justice pour tous. Équitable. Moitié. Qui valorise le circuit court, la proximité, point, ta gueule, point, point. Direct du producteur au consommateur, avec une revue finale à la sienne, ou des vrais morceaux d'os à l'intérieur. Une justice durable qui respecte l'environnement. Donc, ça, mais évidemment, on peut, encore une fois, on peut aimer ou ne pas aimer. L'intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, il y a des choses, évidemment, que vous connaissez tous, pas tous, vous connaissez peut-être maintenant, ça y est, sur Internet, Tweet, par exemple. Ah oui, ouais. J'aime beaucoup. Voilà, ce genre de choses. Encore une fois, l'idée n'est même pas forcément d'aimer ou de ne pas aimer, c'est juste de me dire, je suis impressionné aujourd'hui par, finalement, la diversité qu'on peut avoir, finalement, en animation. Voir, évidemment, là, on parle de choses pour adultes, mais même des choses comme Milou. Voilà, avec le graphisme d'Aruna Kishi et développé par une scénariste et tout un travail où je sais que par exemple c'est Preschool et la scénariste nous expliquait que quand ils sont arrivés ils ont dit non, il faut que le petit bonhomme il ait les yeux ouverts parce que là s'il a les yeux fermés on a l'impression, enfin voilà, c'est les Preschool qui ont dit non, notre petit personnage, puis il dit ah il parle pas, faut qu'il parle parce qu'il commence à parler et tout, non, il bouge tellement, il est tellement expressif et c'est vrai qu'il est trop mignon, c'est voilà, on le voit, il est super expressif et qu'on n'a pas besoin de le voir parler et que ça a été quand même acheté par Canal+ à la fin. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, et pour parler aussi, pour pas parler que des choses qui ne fonctionnent pas, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de parler des choses qui fonctionnent, il y a quand même plein de choses qui sont en tout cas de manière complètement différente. On est d'accord, prenez... Vas-y. Non mais c'est intéressant parce qu'on a souvent, et souvent on parle, encore une fois, on peut parler de Last Man, on va parler de Last Man, cette idée de finalement où est-ce que ça va passer, ce qui s'est passé avec France 4 en disant bon allez c'est fini, on fait plus cette chaîne pour ados, jeunes adultes, etc. On va la faire pour tout public et qui est quand même complexe parce qu'on a besoin de ces séries pour adultes aussi, ben, pour beaucoup de gens qui sortent des écoles aussi, etc. Et... On est dans un pays extraordinaire à ce niveau-là. Hein. Hier, j'ai passé une heure avec les Chiliens qui galèrent comme des malades. Il n'y a pas de programme pour enfants au Chili. Les projets, ils en sont... Enfin, c'est sûr qu'on est quoi, les troisièmes mondiaux en production. Et puis en plus, tout ça s'appuie sur un patrimoine de littérature jeunesse énorme, d'illustrateurs jeunesse énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, non, mais loin de nous l'idée de dire que c'est presque des problèmes de riches, là où on en est tous. Hein. C'est-à-dire que France 4, animation adulte, tout ça. Après, c'est notre boulot, et justement, parce que c'est comme ça, on veut aller vers le meilleur, de continuer de défendre une certaine idée de la... Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on propose cette qualité-là chez nous, c'est parce que c'est vrai que ça a toujours été important. Et alors, il y avait beaucoup les valeurs éducatives, en fait, au départ aussi. Hein. C'est un pays qui a beaucoup... Et donc, l'animation jeunesse, elle a été, comme les illustrateurs, au départ, là pour soutenir l'éducation à la jeunesse, etc. Et voilà, on en est là. Et non, loin de... Enfin, c'était pas ça, c'est que je voulais vous dire, par exemple, c'était aussi par rapport à un message. Alors là, je vous bosserai pas, mais comme ça, c'est une série de bienfaiteurs avec un personnage qui est une espèce de personnage un peu étrange et qui est un clown et qui croit faire le bien. Ouais, c'est une horreur. Enfin, c'est un type, c'est super cynique. Enfin, c'est assez dur. Qui m'a donné l'idée? C'est pas pour France 5. Voilà, et qui va, on va dire, pas forcément se faire apprécier. Cette série, elle a été faite par des jeunes qui connaissaient pas forcément le monde de l'animation. C'est une chaîne qui s'appelle Arte qui a dit: ah ben faites-nous 20 scénarios, génial, j'ai pas faire scénario. Ouais, faites-nous 3 épisodes, allez, faites-nous un épisode complet. Et au moins, ils ont fait tout ça. Arte a dit finalement, c'est peut-être un petit peu noir pour nous. Et un peu dur, donc on va arriver. Donc, c'est juste dire que c'est vrai, c'est un vrai combat, mine de rien, de pouvoir proposer et d'essayer d'imposer justement ce genre de choses. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas. Non, mais il y a des espaces. Oui, on voudrait vraiment pas envoyer le message que tout est catastrophique et que la vie est moche. Non, au contraire, alors. La vie, parce que tu as mangé de la fondue au fromage, Mathieu, ouais, donc tu es dans un état un peu... Raclette fumée. Voilà. Et là, on a clairement des exemples de créativité. C'est ça. De toute façon, c'est le combat éternel quand on est dans un monde où la création a été industrialisée. Et, c'est-à-dire qu'il y a les problèmes de l'audience, il y a les problèmes des annonceurs. Voilà. C'est-à-dire que moi, je trouve ça... Je suis super, c'est super, mais... une pub Chocapic entre deux épisodes de Je suis super, je pense que voilà, non mais c'est catastrophique, mais on est financé aussi par ça. Donc tous ces espaces de créativité, c'est comment trouver de nouveaux financements. Voilà, comment trouver de nouveaux financements. Donc, effectivement, les chaînes d'abonnement, c'est super parce que il y a une espèce de créativité qui fait qu'on n'est pas tenu. C'est les abonnés qui payent, donc voilà, s'il y a des abonnés, il y a plein de gens qui veulent voir de la création originale, des choses qu'ils n'ont jamais vues ailleurs en termes d'animation, quand on voit ce que font les Japonais, où justement il y a énormément d'animation adulte. Nous en France, l'animation adulte, c'est encore, il y a des choses extraordinaires, des longs-métrages formidables, qui font, quand on voit les entrées qu'on fait, Avril et le monde brisé, alors ce sont des films, et même Tout en haut du monde, alors, et Adama, qui sont quand même des films formidables. Et les distributeurs n'ont pas suivi. Et... Justement, est-ce qu'on oublie, alors, ça c'est quelque chose sur lequel je parle beaucoup, le fait qu'en effet, ce manque encore une fois de spectateurs, c'est-à-dire que peut-être de toucher des spectateurs hors de l'anime, et notamment pour l'animation adulte. Là, la problématique, ça c'est une autre problématique, on en reparlera évidemment demain, puisqu'on aura Jean-François Laguioni, Sébastien Lodenbach et j'espère Claude Barras qui viendront parler justement de l'écriture du long métrage, et cette complexité de l'écriture aussi là dans le long métrage. C'est un problème de spectateur. Encore une fois, quand moi, Joseph Jacquet dit France Télévisions, mais nous on achète telle série et ça marche dans le monde entier, Eric Clémentier, et nous, en France, ça fait un bide. Alors les étudiants, quand je leur dis ça, ils me disent, mais oui, mais nous on ne sait pas que ça existe, et puis surtout on a regardé ça 6 mois à l'avance sur Internet. Et là, il y a une vraie... Enfin, je sais pas, il y a plein de vidéos, parce qu'il y a plein d'envie. Et les gens regardent de moins en moins la télé aussi. Donc, et les ados ne regardent plus du tout la télé. C'est-à-dire qu'on retrouve là, d'un seul coup, une... Il faut trouver des studios ou accepter qu'on ne soit plus dans des choses massives avec des milliards de téléspectateurs, sauf si on a les moyens, comme Pixar ou Disney, de balancer la grosse artillerie et de mettre autant de budget dans la communication que dans le film. Et sinon, peut-être accepter qu'il y ait moins de spectateurs, mais qu'ils trouvent leur compte et qu'on soit plus de... Alors après, le problème, c'est l'économie. Voilà, c'est comment vivre derrière, quoi. La semaine, puisqu'on peut en parler, la semaine est évidemment une série qui pourrait cartonner, par exemple, évidemment sur Internet. Mais évidemment, il n'y a pas d'argent. Et déjà, la série a été faite avec peu d'argent, donc... J'ai fait le trottoir pendant assez longtemps pour la financer. Juste une petite chose, parce que j'ai l'impression qu'on met un peu d'un côté la créativité qui serait pour les adultes et de l'autre l'industrialisation. On a montré Miro Miro, hein. Merci. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a aussi des espaces de créativité qui sont offerts dans des productions, dans des grosses prods. Donc ça peut exister aussi quand t'es auteur de prendre du plaisir. Du plaisir pour écrire des trucs. Ouais, je pense pas, parce que là on a montré quand même peu l'image. On a montré, il y a pas mal de choses qui sont des grosses prods. Je pense pas que c'était. J'ai le dos à l'écran, c'est pour ça, je sais pas. Ouais, c'est ça, parce que. Non, ça serait un peu bête de faire, en effet. Je pense pas que là, l'idée de dire, attendez, il y a des méchants. Encore une fois, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai vu que les producteurs, quand même, France Télévisions, voulaient produire aussi des choses qui les passionnaient. Donc, l'idée n'est pas de. Voilà. Mais propre sur des gens. Ne désespérez pas, si vous voulez travailler dans l'animation, vous pourrez aussi bosser sur des trucs sympas, même si. C'est pour vendre des céréales. Pour la semaine, alors effectivement, moi, je n'étais pas dans le processus de production, j'étais dans le processus d'écriture. Ce qui était très bien, c'est que, clairement, c'était un super gros coup de cœur de France Télévisions, de Pierre Siracusa et Joseph Jacquet. Eux, je pense que déjà, ils avaient bien aimé la BD. Je pense que c'était aussi une rencontre avec le producteur Didier Crest qui les a convaincus. Et puis, il y avait une vraie envie, pour le coup, eux, de voir quelque chose de différent et qui appelait à leur côté plus... à leur cerveau reptilien, je dirais, quoi. Voilà, parce que la tagline, quand même, de Last Man, c'est des nichons et de la baston. Bon, après, ils ont changé, là, maintenant, c'est la première série européenne adulte. T'en parles bien. Plus sérieusement, ce qui était bien, c'est que Last Man, on a une liberté de création qui était totale. C'est-à-dire que vraiment, eux, les retours qu'ils nous faisaient, c'était généralement, soit ils étaient super fans, soit ils notaient qu'il y avait un truc qui n'était pas cohérent, et du coup, on disait « Ah, ils l'ont vu !» Mais sinon, à aucun moment, ils nous ont ni censuré, ni quoi que ce soit, donc on s'est un peu... ce qui était bien, c'est qu'on était 7 auteurs en atelier donc pendant plusieurs jours pour déterminer l'arche narrative. Et ce qui était bien, c'est que chacun avait vraiment sa personnalité et il y en avait qui étaient plus nichons, d'autres qui étaient plus bassons, d'autres qui voulaient faire une bonne série. Et au final, on s'est quand même tous mis d'accord. Et on est arrivé à faire... Moi, j'ai pas vu encore, j'ai vu que les deux premiers épisodes. Donc si ça se trouve, c'est de la merde. Mais je pense pas. Ce qui est intéressant, c'est pas une question de la merde, pas de qualité, c'est ce que, avec les extraits que j'ai voulu montrer aussi, c'est surtout aujourd'hui, j'espère, diversité, donc peut-être pour, parce que le temps passe malheureusement trop vite, mais diversité d'écriture en fait, et finalement trouver des possibilités d'écriture complètement différentes. Vas-y. J'essaie de te maintenir le. Moi j'ai travaillé sur Miro Miro, qui est effectivement. À 180 degrés à l'opposé de Last Man, mais il y a toujours... Ce qui est assez formidable dans l'animation, c'est que déjà, on peut écrire beaucoup d'épisodes et qu'il y a toujours un... Pour que ça marche, il faut qu'on arrive tout le temps à mettre un peu de soi-même et des thématiques qui nous touchent dans le cadre de séries très cadrées. Et on peut vraiment, que ce soit adulte, enfant, avoir une démarche sincère et créatrice à chaque instant, même dans le cadre d'une... Je suis entièrement d'accord avec Mathieu. Et c'est dans le cadre d'une série industrielle très cadrée, avec des gros diffuseurs et des gros producteurs, et c'est même la clé de notre métier. Si on ne fait pas ça, si on n'arrive pas à mettre de la sincérité, de la créativité dans des séries cadrées et formatées, c'est même pas la peine. Sinon, ça devient juste... Et effectivement, on peut confier à ce moment-là le métier de scénariste à un ordinateur. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a tout le temps un supplément d'âme qui fait qu'on va mettre de nous dans les textes et de parler de choses qui nous touchent. Que ça soit dans la baston ou dans la poésie, il y a à quel moment on rattache ça à une thématique personnelle, humaine, qu'on va pouvoir transmettre au spectateur. Je laisse parler Marie, mais après, si vous avez une question ou deux, encore une fois, on va devoir Je t'ai vu. Donc après, bah voilà, il y a deux questions. Oh là là, il y a plein de questions tout à l'heure. Donc on va, et puis après, Anne Normand vient d'arriver, on va parler de la nef. Et d'ailleurs, on peut, ça c'est intéressant, évidemment, de parler. On va peut-être les laisser là, on va, pour pas qu'elle soit toute seule, là, en plein centre. Mais on va, c'est très intéressant, évidemment, ce qui se passe à la nef. Donc, je voulais d'abord, juste compléter, c'est qu'en fait, en tant que scénariste pour l'animation, on est amené à s'adapter à des écritures très variées, puisque pour le preschool, on est sur un rythme et sur un contenu qui va être effectivement assez poétique souvent, ou espiègle, blabla. Mais il y a aussi de la pure comédie, il y a du cartoon, il y a de l'action-aventure pure. Enfin voilà, déjà au niveau forme d'écriture au pluriel, on est nous-mêmes amenés à nous adapter, à réfléchir à un gymnastique de genre quand même. C'est ça aussi, c'est qu'on dit les programmes pour enfants, mais entre les tout-petits et les plus grands, la capacité de compréhension, la capacité de raconter des histoires plus ou moins vite et de manière plus ou moins expressive, est très vrai quand même. Et heureusement, c'est pas du formatage de genre et du formatage de style en permanence. Voilà, c'était juste pour compléter. Faut laisser ton doigt appuyer. Appuie dessus, ou sinon tu marches pas fort. Bonjour. Bonjour. Je profite que vous soyez tous les trois réunis là. En fait, ce serait pour savoir si vous aviez des conseils qui pour vous sont très importants pour rédiger un scénario finalement en général et aussi pas très fort, vas-y. Et quelle est votre méthode propre à chacun? Je profite que vous soyez là. Ben, vas-y. Profite. Alors pour écrire un scénario, déjà je pense que il faut du papier. Non, même pas, putain, non, c'est vrai, maintenant il y a des ordi. Non, alors écrire un scénar, ben, alors chacun sa méthode. Moi personnellement, c'est plus la structure en fait qui m'importe au départ. Mais je pense, enfin après, moi aussi. C'est ça. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Mais vas-y. Donc, j'aurais tendance déjà à lire les bouquins des gourous du scénar américain parce qu'au final, en tout cas nous, dans notre branche industrielle, c'est bien d'avoir des histoires qui, avec un début, un milieu, une fin, un retournement et une leçon à la fin, quoi. C'est plutôt pas mal. Donc, alors, j'ai jamais lu Maki, mais il paraît qu'il est marrant. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Truby, c'est bien. Truby, tu fais une structure à la Truby. Généralement, ton histoire, elle tient la route. Après, tout ce que tu mets dedans pour faire vivre la structure, c'est toi. C'est toi, c'est ton cœur. Donc, Déchaîne ton cœur. Bon, au départ, il y a quand même un gros coup de cœur sur une idée. Hein. Parce qu'avant de parler structure, on ne fait pas une structure d'abord. On se dit, tiens, on a une idée. Non, il y a des coups de cœur. Des fois, en plus, c'est marrant, parce que ça peut être des images. Hein. Ça peut être aussi des fins. Voilà, y a des... Donc après, ça dépend en politique... de scénario de série, bon bah c'est on se plonge dans la Bible et on travaille sur des idées qui viennent de ce bain là. Après tout seul pour les choses perso, alors là ça peut venir vraiment de le point de départ, celui-là il est effectivement hyper personnel quoi. Et après bah c'est de mettre en route toute la mécanique, mais effectivement la structure c'est la plus importante. Moi j'ai toujours l'image de la marionnette qui a sa structure en fer dedans, qui permet vraiment de l'animer, elle tient debout, de lui faire des pieds suffisamment larges, des bras suffisamment amples et un visage suffisamment souple pour pouvoir après exprimer les choses sur cette base-là et donner de la chair. Et ouais, j'ai vraiment cette métaphore. D'abord la chair de l'histoire et ensuite il y a tout le final, le maquillage, l'habillement. Et qui, ça, c'est du plaisir. Mais si on souhaite tout de suite se faire plaisir, en général, l'histoire, elle ne tient pas debout et on voit trop de projets qui sont très beaux mais qui racontent mal ou rien. Et ça, c'est grave parce qu'en plus, on passe un temps fou à fabriquer des films. Allez, une autre question. J'ai juste compris parce que j'ai une chose intéressante à dire aussi. Je suis entièrement d'accord sur la structure. Il y a un élan à la base, c'est une envie de raconter une histoire et une envie de transmettre des choses, des émotions notamment. Des émotions, un message, enfin voilà, on a quelque chose à dire. Et l'idée, c'est de toucher le spectateur en face. Et le spectateur, il n'est pas forcément dans vos problématiques, il n'a pas votre vécu. Et donc la question, c'est comment traduire nos émotions, notre vécu et le message qu'on a à transmettre dans le cadre d'un texte. Et alors là, je rejoins entièrement mes camarades. Effectivement, après, c'est un travail. Donc il faut avoir l'idée, la développer, commencer à la structurer. Et alors là, il n'y a pas de secret, c'est du travail. C'est... Voilà, et c'est En forgeant, on devient forgeron. Donc, il y a les ouvrages de technique. Mais attention, effectivement, si vous prenez et vous adaptez les 22 points de Trouby, vous aboutissez à des choses très artificielles. Généralement, ces bouquins, quand vous voyez votre structure, enfin, votre histoire, il y a des problèmes, quand vous la faites lire. Parce que voilà, le premier test, c'est de la faire lire. C'est-à-dire que si votre premier lecteur, déjà, il ne comprend pas ce que vous dites, si ce n'est pas clair, c'est que la tentation, c'est de penser qu'il est très bête et qu'il ne comprend rien et que c'est un naze. Ou alors se dire, bon, si mon premier spectateur, mon premier lecteur, déjà, il ne comprend pas, il y a peut-être un souci. Donc, il y a certainement quelque chose à réécrire. Il faut traduire sa pensée. Et ça, c'est écrire, c'est réécrire. Donc, voilà. Et c'est un métier de la rigueur. C'est un métier très frustrant parce que avant de pouvoir traduire sa pensée, son émotion et son élan, il faut passer par la case texte et faut maintenir l'élan, en fait. Et donc, voilà, c'est un travail laborieux, long et bon courage. On va parler des heures. Vas-y, à voix haute. Ah oui, okay. Moi, j'ai une question, je pense principalement sur la série peut-être jeunesse-ado. À quel moment, je pense, dans le scénario intervient la partie éducative? Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans un scénario à des jeunes d'un point de vue de, je sais pas, de, ouais, éducatif, les valeurs à transmettre dans un dessin animé pour voilà, élever des enfants ou des ados vers du mieux. Et quel rôle vous avez là-dedans? Est-ce que c'est juste le scénariste qui se dit « moi j'ai envie de raconter ça », est-ce que ça vient du producteur, de la chaîne? Enfin, je me souviens de tomber sur une série pour filles qui parlait en gros « la consommation c'est bien, il faut acheter plein de fringues et c'est tout ce qui compte dans la vie » et où j'étais catastrophé devant ma télé. Et donc voilà, je me demandais… Tout est… Alors… Bon, c'est, moi j'aime bien cette question. Il faut savoir que je viens de l'éducation nationale avant d'être scénariste, j'étais CPE. Voilà. Je ne me jetez pas de cailloux, merci. On a une responsabilité très importante et moi j'estime qu'on doit avoir un respect immense pour notre public qui sont les enfants. Et qu'on a le devoir de ne pas raconter n'importe quoi. Donc, oui, et ça revient vraiment à ce qu'on disait sur le développement. Il faut vraiment qu'on sache de quoi parle la série, quel est notre message, quelle est notre envie, quelle est la flamme qui anime la série. Quand ça, c'est pas pensé, quand ça, c'est pas assez pensé, genre il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit fun, il faut qu'il se passe des trucs, si c'est juste ça la base, eh ben, on est un peu tributaire de. On fait des trucs qui nous font rire et qui ne sont pas forcément. Donc. Dans le développement, dans la bible littéraire, ça, généralement, c'est dans la note d'intention, dans le concept. Les gens sont plus rigoureux quand on fait du preschool, parce que là, on s'adresse aux tout petits. Et là, actuellement, je développe une série qui est basée sur la confiance. C'est-à-dire comment on donne de la confiance aux enfants qu'on élève, et en même temps, voilà, comment on fait pour ne pas, en tant que parent, transmettre sa peur de l'extérieur, du monde, du danger. Donc, comment trouver cet équilibre? Donc là, et paradoxalement, plus la cible est petite, plus il faut réfléchir à ça. Et parfois, je suis d'accord avec toi que c'est pas assez pensé, et que des fois, il y a des contresens dans certaines séries par rapport à des messages un peu catastrophiques. Alors souvent, on se fait taper sous les doigts, mais il y a quand même une conscience de notre public. Et voilà, et ça, a priori, ça fait partie du développement. De quoi on veut parler? Est-ce qu'au bout d'un moment aussi, il y a, comme on disait au début, une première chaîne qui dit « ah ben non, mais ça on peut pas le faire », etc. Et finalement, l'envie du départ est complètement brouillée par ces obligations de multiples réécritures. En fait, je vais revenir sur mon histoire de politique de choix, c'est-à-dire que… Alors, le mot, il y a quelques temps, c'était devenu tabou de dire qu'on faisait des séries éducatives. C'est devenu tabou, tout était pour le ludique, pour le consommable rapide et sans surtout pas ennuyeux. C'est devenu une rime sauf dans le preschool. Mais là aussi, il ne fallait pas que ce soit éducatif, il fallait que ce soit… C'est un mot qui est devenu tout à coup tabou, alors qu'il a aucun… Enfin, il pose, au contraire, je trouve pas de souci, mais c'est juste que c'était associé à rébarbatif, moraliste, moralisateur. Et c'est ça sur quoi les chaînes veillent. Et effectivement, des séries moralisatrices de façon vraiment à l'ancienne, il n'y en a plus, et c'est tant mieux. Après, il reste des séries de pure action-aventure, il reste des séries très commerciales qui… Alors, les séries filles-garçons, c'est vraiment… Ça devient vraiment ringard. Enfin, nous, quand il y a La France s'anime et que sont diffusés des extraits de certaines séries avec des filles qui chantent, super girly, ça rigole bien quand même. Mais bon, voilà, a priori, ça se vend encore, mais c'est un peu le… On va dire, bon, bah, c'est la couche… super commercial, un peu bête du truc. Bon, il y a tout. Hein. Mais après, pour les petits, eh ben, y a beaucoup de séries quand même qui traitent de ça, comment grandir, et avec des axes différents. Alors nous, on va avoir que, encore une fois, dans le respect de la Bible, le respect de la Bible, mes frères et sœurs, on va pouvoir bouger. Et puis ensuite, eh ben, aussi faire des volontés. Moi, j'ai écrit beaucoup de MOOC et on s'est vraiment marré à faire du sous-texte. Mais c'était possible aussi, on n'entourloupait pas tout le monde, mais c'était assez marrant. Et aussi faire attention justement dans les choses sexistes, etc. C'est une vraie démarche. Les scénaristes, on en discute, on essaye de transmettre le message aussi. Donc ça m'est arrivé d'écrire des histoires et d'inverser les personnages après. C'est-à-dire écrire fille-garçon, puis à un moment, à la fin, inverser les noms sur le scénario pour que justement il y ait un peu d'énergie, quoi. Parce que si on ne fait pas attention, même nous, on est beaucoup dans l'autocensure, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc on doit aussi, en plus, faire attention à ça. À ne pas tomber dans l'autocensure parce qu'on sait qu'on va être corrigé, on va devoir faire 4 versions si on n'est pas tout de suite taillé, quoi. Alors, c'est des questions, il y en a plein. On avait pardon, hein, déjà vu si. Non, non, mais. Rester 4 heures. Les films de l'Arlequin, etc. On va devoir vraiment, à un moment donné, on va prendre une dernière question. Ouais. Juste, est-ce que, sans que ça soit. Parce que c'est bien, des fois, je leur demande s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, il y a plein de questions, donc c'est génial. Comme quoi, il y a souvent, quand on parle de séries télé, plein de questions, parce qu'évidemment, je reste persuadé qu'il y a plein de créateurs, aussi bien, justement, littéraires, en tout cas écrits et visuels, qui ont envie de travailler la série. En plus, ça devient de plus en plus, évidemment, à la mode, avec pas mal de séries américaines qui marchent énormément. Donc, évidemment, il y a cette envie. Est-ce que la guide des scénaristes, de manière... est-ce que, si jamais il y a un jeune auteur qui, d'un seul coup, a envie de conseils, est-ce que vous donnez des conseils? Est-ce qu'il y a le site internet de des conseils en disant, bah, fais attention à ça, etc. Oui. Est-ce que vous organisez régulièrement, justement, des rencontres? C'est-à-dire qu'on regarde sur votre site et Facebook, ah oh bah oui, tiens, là, il y a une rencontre, etc., pour en savoir. Encore une fois, on a tenté de faire, on a fait depuis 3/4 d'heure, mais on n'a pas le temps, évidemment, de vous voir. Est-ce qu'il y a ça pour la guide propose ça? Alors, il y a un site de la guide qui est effectivement très complet, sur lequel vous pouvez avoir plein de réponses à plein de questions, même celles que vous n'êtes pas forcément encore posées. Et je sais moi-même, alors que je suis scénariste depuis quelques années, que des fois je découvre des trucs. Alors, la guide des scénaristes, nous, on t'organisait pendant les apéros. Il y a eu les apéros de la guilde. Et puis là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne sais plus exactement, parce qu'on fait énormément de choses aussi, on est beaucoup, il y a des événements partout, on rencontre la presse, on rencontre... Il y avait les apéros de la guilde qui étaient ouverts pour les rencontres, notamment avec les jeunes auteurs. Mais je crois qu'il y a des rencontres spécifiques jeunes auteurs. Mais alors nous, c'est compliqué parce qu'il y a ceux qui sont en probatoire aussi chez nous. On a déjà notre petit quota de jeunes scénaristes qui sortent du CEA, qui ont le droit pendant un an d'être en probatoire. Et donc là, ils rencontrent effectivement les vieux. Le CEA. Le Conservatoire des Écritures Européen. Le Conservatoire Européen des Écritures Européen d'audiovisuel. Non, mais alors, la guide est plus sur une démarche juridique de protection des auteurs et surtout de la fédération des auteurs pour que tout le monde s'aperçoive qu'on fait partie du même métier et pour éviter qu'on joue les uns contre les autres parce qu'on est dans un métier très concurrentiel. Et l'idée, c'était de sortir de cette démarche-là. Après, au niveau des conseils, bon, déjà en tant que nous, membres de la guide, on est très ouverts aux entrants, aux sortants d'école. Et on participe à ce genre d'événement aussi pour communiquer. Cet après-midi, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient en savoir plus, la guilde participe à un débat avec Lina. C'est à 16h, je crois, à l'Impérial, voilà, sur la recherche et le développement et sur comment favoriser les nouvelles créations. Après, voilà, quand on rentre dans ce métier, c'est un tel mystère, c'est une telle jungle, il y a tellement de monde, et il y a tellement de fonctionnements différents. Il y a une très grande tentation du bénévolat quand on rentre dans ce métier. C'est génial, on me donne l'opportunité d'écrire, mais on ne paye pas, on va taper sur l'épaule quand même. Donc voilà, c'est quand même sympa. Donc l'idée, c'est aussi que les gens ne perdent pas le temps que nous, on a pu perdre au début de notre carrière, à s'épuiser, à travailler sur des projets sans lendemain ou sans lendemain professionnel pour nous. Juste se respecter en tant qu'auteur et puis après de venir demander conseil sur de la pratique, comment écrire. Et puis voilà, et nous, la guilde, on sera plutôt sur les contrats, sur bah, faites attention à vous faire respecter en tant qu'auteur. C'est un métier, c'est pas un hobby. Voilà. Alors, une dernière question. Le micro marche pas, faut que tu parles fort. Donc du coup, ça t'émane un peu de ce que vous venez d'aborder, mais en fait, ça revient sur la question de la censure et de l'autocensure, et aussi de l'idée d'écrire pour la télé. Mais vous parliez tout à l'heure que les adolescents ne regardaient quasiment plus la télé, et en fait, maintenant, beaucoup de choses se font sur Internet. Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous prenez en compte ce média, donc le nouveau média avec Internet, est-ce que vous travaillez pour des scénarios qui seraient, pour des choses, des programmes diffusés directement sur Internet, et qu'est-ce que ça change dans l'écriture, dans les libertés d'écriture? Ouais, je préfère... Allez, vas-y, Mathieu. Réponse courte, non. Moi, je pense en termes de format pour la télé. Donc, c'est 7 minutes, 11 minutes, 22 minutes. Internet, je pense que ce qui est intéressant, c'est pour tout ce qui est écriture interactive. À mon avis, c'est là où il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent être pas mal. Je ne me suis jamais plongé là-dessus parce que c'est passionnant. Mais voilà. Mais c'est une question intéressante, effectivement, de voilà, Internet. Comment écrire pour Internet? Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu en mutation, là. Toutes les institutions ont créé leur pôle multimédia, transmédia, le CNC le fait, les chaînes ont des conseillers pour les nouvelles écritures. C'est en train de bouger, mais en fait, c'est un peu en mutation. Donc il y a les séries traditionnelles qui atterrissent. Beaucoup sur Internet. Je sais que Choupi, c'est un succès, mais en millions de vues, parce que sur les gamins adorent, ils le regardent d'abord à la télé, mais ils le regardent aussi à la télé, les tout petits, mais sur les tablettes, ils sont à fond, donc il n'y a pas que les ados. Les ados, ils vont vers le live, enfin, il y a quand même une grosse, à part quelques geeks qui adorent les. Ouais. Mais ils vont sur de l'anime japonaise, etc. Les ados, on les a un peu perdus, et je ne sais pas si on va les récupérer directement sur Internet en anime. Hein. C'est vraiment ça, c'est un gros challenge, mais. Quoi, tu regardes les Cassos, par exemple? Les Cassos, ouais. Oui, c'est ça, il y a quand même plusieurs, quatre séries. Non, il y a, mais on ne peut pas parler dans... Vous savez, je dis toujours par rapport à l'animation japonaise, qui était un petit peu plus vieux, mais qui était absolument terrible dans les années 70-80, on va dire, à la télé, et on a été, nous, élevés par ça, et finalement, on se retrouve aujourd'hui à des postes, voilà, un peu plus importants, et finalement, l'animation japonaise est aussi importante aujourd'hui, aussi, parce qu'on a été élevés, et il faut espérer, c'est pour ça qu'il y a aussi l'idée de... d'inviter un peu d'optimisme et de se dire voilà, on peut arriver, c'est que finalement toute une génération a été élevée aussi un peu plus dans l'animation et je pense qu'on peut essayer, j'espère en tout cas de retrouver ça finalement, que ce soit sur une tablette, sur les écrans, enfin en tout cas sur plein d'écrans. Mais en fait pour compléter, en fait, effectivement de toute façon c'est aussi l'économie qui se cherche, c'est comment ça. On finance, parce que bien sûr que tous les trucs produits vont se retrouver sur Internet à un moment ou à un autre, il y a énormément de nos séries qui sont sur YouTube, etc. Mais la vraie question c'est le modèle économique pour fabriquer quelque chose qui n'irait que sur Internet. Et aujourd'hui, sauf si c'est coupé 18 fois avec des messages publicitaires, comment ça se finance? Et les droits d'auteur, d'Internet, c'est compliqué. Hein. De s'arrêter sur là, parce que ça mériterait évidemment, et pourquoi pas l'année prochaine, un débat complet sur, en effet, l'idée de se dire, c'est bien beau de regarder tout ça sur Internet, mais évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique et qu'il faut bien, de toute façon, évidemment, payer les auteurs, les animateurs, etc. Donc, comment on travaille? Sachant qu'il y a toujours cette idée, et c'est quelque chose, et on finira là-dessus avant de parler de la NEF, travailler pour un projet qui nous plaît, c'est pas une question, vous allez me dire, et je vous comprends. C'est vrai que c'est peut-être moi là qui parle pour moi, je suis tellement bénévole dans plein de choses que voilà. Mais c'est vrai que d'être aussi, et je sais que pas mal de gens, pas mal de gens qui sont de l'ESAT et du DMA, et vous savez, on travaille sur Last Man puisque c'est dans le Nord. C'est vrai que même si les conditions des fois étaient difficiles de faire plusieurs décors par jour, pas forcément super bien payés, c'est vrai que malgré tout, je reste persuadé, c'est encore une fois mon côté naïf, que de se dire, oui, mais je travaille sur un projet qui me passionne et au moins je suis fier de pouvoir dire que j'ai bossé là sur Last Man ou sur un long métrage, un court. Même si on est payé un peu moins, ça peut faire plaisir justement. Mais c'est pas une raison, bien évidemment. Entre un peu moins et pas assez. Et pas assez, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me semble aussi important qu'on garde toujours un peu ça en tête. Mais évidemment, il faut se battre par rapport à tous ces droits-là, bien évidemment encore. Pour compléter, pour garder cette flamme-là, il faut que les conditions de vie soient correctes. Et voilà, c'est parce que sinon, la flamme peut s'éteindre et ça peut générer de l'aigreur, ce qui est un peu triste quand on a une flamme comme ça à l'origine. Non, complètement. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. C'était largement, encore une fois, plus on aurait pu passer plus de temps, mais voilà, mais c'est des débats. C'est une matinée qui est un petit peu ardue. Je vais demander à Anne Lenormand de venir nous rejoindre pour nous parler de la nef dans cette matinée sur l'écriture. Encore une fois, n'oubliez pas pour demain, 9h30, 10h30, Sébastien Lodenbach, 10h30, 11h30, donc cette réflexion sur l'écriture, long métrage, et voilà, merci, bonjour, ça va bien, bisous, on va, vite, voilà, on va essayer vite d'enchaîner. Merci beaucoup. Merci. Un débat avec moi-même, ça va être facile. Ça va faire sois pas trop dur avec toi-même. Donc, Anne. Je vais être super rapide. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Est-ce qu'il y en a qui marche des deux? Là, celui-là, il marche. Parfait. Bien. On va s'arranger. On va parler surtout de la nef. Et puis ceux qui voulaient voir le film de Marlène Turcotte vont me détester. Mais non, non, non, non, non. D'être demain. Non, mais juste prenons un peu de temps quand même. Sur combien de temps le film? C'est important. Il est long. Ouais. Donc, mais déjà, c'est important quand même de présenter la nef, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui pourraient être intéressés. La nef, elle vient de quelle volonté? De quelle envie au départ? Alors, j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe, sans avoir assisté au débat d'avant, mais là où il y a l'écriture, on essaye d'être présent. La nef, elle prend ses origines à l'abbaye de Fontevraud. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais en gros, il y a eu une... Pendant à peu près 10 ans, il y a eu de premières actions de résidence d'écriture, c'est surtout ça, et ensuite des rencontres professionnelles qui ont bien marché, et des masterclass, et des expositions, enfin ça c'était un projet d'établissement sur l'abbaye de Fontevraud, et qui était porté par Xavier Cabot-Auport, qui était directeur de l'abbaye de Fontevraud. Voilà, donc... Xavier Cabot-Auport étant parti vers d'autres horizons de monuments historiques, par ailleurs, et on souhaitait faire perdurer cette espèce d'énergie, les résidences qui marchaient super bien, les rencontres pro qui marchaient aussi super bien, enfin tout marchait super bien, et l'abbaye de Fontevraud est aussi un lieu superbe. Est-ce que je peux faire passer ça, pardon? J'en ai plein d'autres, mais j'avais plus ceux-là comme... je vous les fais passer, puis après il y en aura d'autres si vous voulez les avoir par rapport à ce qui se passe un petit peu que vous... Il y a une... Voilà. D'après moi, vous en avez plein, j'étais sûr. Juste à quel point la résidence de Fontevraud qui est à la base de la nef est importante. On a vu Jalice Nadeau ce matin qui parlait de mamie, donc Marilyn Turcotte. On commence à avoir un sacré annuaire qui, évidemment, n'est pas mis à jour en ligne, mais qui le fera bientôt. Donc depuis 2006, ça a commencé par Florence Miaille qui était arrivée un peu en résidence amicale. Et puis maintenant, c'est quelque chose d'assez assez bien... cadré avec des appels à candidature, des partenariats à foison, énormément de dossiers, énormément de gens qui souhaitent faire. Donc ça, je reviens sur sa question, en fait, de quelle énergie nous a conduit à créer cette nouvelle association qui a été créée fin 2015, donc c'est super récent, mais c'est déjà accompagné par plein de professionnels, et donc ça prend racine dans quelque chose d'assez... assez lointain, puisque je vous parlais de 10 ans quand même d'expérience à Fontevraud. Et l'idée, c'est justement de dessémer un peu toutes les initiatives qui ont super bien marché sur le projet central de se focaliser sur l'écriture et la recherche créative, et sans se fermer de porte, hein, pour le coup. Donc là, on parlait de la série. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent écrire en résidence des courts-métrages, parce que c'est ce qu'on offre. C'est pas grand chose et c'est beaucoup, mais c'est ce qui manquait beaucoup aussi. Voilà, c'est un moment de réflexion, un moment d'écriture, un moment de recueillement, tout ce que vous voulez, et sans nécessairement avoir des producteurs déjà qui contraignent l'esprit créatif. Voilà, et donc il y a pas mal de courts-métrages, mais il y a aussi des gens qui viennent pour monter des expos d'art contemporain. Enfin, je les exagère un peu, mais il y en a. Florence aussi travaillait sur un long, et là, donc grâce à cette structure et grâce au fait finalement qu'on ne se restreigne plus à Fontevraud, qui malgré sa grandeur est pas suffisamment grand pour avoir à l'année tout plein de choses autour de l'animation, on crée de nouvelles résidences, notamment une qu'on a fait à Meknès qui est sur les auteurs émergents de la francophonie. voilà, avec un accompagnement. On a la résidence aussi en sortant de l'école. Alors, il y a plein de trucs en sortant de l'école avec, avec toi, là, que je pense que tu projettes. Oui, les projections. Qui a un projet super, hein, qui ne vient pas de nous, mais du coup, nous, on l'accueille en résidence avec plaisir pour qu'ils travaillent sur leur scénario, leur animatique, enfin, toute la, la phase de pré-prod. Et puis, il y a aussi la, le Beaumarchais SACD. Alors, ça, c'est plutôt sur la série et l'unitaire télé, qui offre des bourses assez conséquente, mais qui n'avait pas d'accompagnement, enfin en fait, qui laisse un peu les auteurs dans la nature. Donc, la possibilité aussi de venir faire un mois de résidence, se poser avec son auteur graphique, son scénariste, voilà. Donc ça, c'est, ça commence tout juste. Hein, voilà, ça c'est tout. Il y a aussi, il va y avoir aussi une résidence par rapport au documentaire animé à La Rochelle. Oui, oui, et là il y a. Qui va venir, d'ailleurs. Alors c'est plutôt une, sur la base d'une masterclass, oui. Mais non, on est vraiment dans une sorte d'énergie là de départ. Ça a commencé début 2015. On a énormément, enfin, de... Oui, ça ouvre tout plein de possibilités. C'est super enthousiasmant. Donc je vous invite à regarder notre programme d'activité 2016. En fait, parce qu'il y a des, donc il y a des masterclass. Ça marche plus. Ah, ça y est, ça commence. C'est... À... c'est bon. C'est bon. Donc ouais, il y a des masterclass. Donc on a une masterclass Florence Mia et on organise aussi en, avec Takahata une masterclass de 5 jours qui promet d'être assez intéressante sur la série télé en plus. Ouais, sur la série télé. Bon, ça marche pas. Hein. Voilà. Des rencontres professionnelles donc qui sont un peu sur ce mode-là de débat et qui sont super enrichissantes aussi, voilà, donc, dont le programme est là, avec une petite illustration de Théodore Youchef. Voilà. Ce qu'il faut dire quand même, parce qu'il y a plusieurs choses, on va quand même parler 2 minutes de ça. Un, d'abord que les résidences sont ouvertes à plein de monde, c'est-à-dire que là on parle de Théodore Youchef, on a voilà, des grands noms, mais par exemple cette année il y a pas mal de jeunes, on va dire. Il y a dire, plus souvent des jeunes. Voilà, oui. Donc. On ferme pas aux vieux. Il y a l'idée, alors justement, encore voilà, jeune, ça ne veut pas rien dire, hein, mais n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie. Le jury, par exemple, pour les résidences, à chaque fois, sont construits de gens complètement, vraiment différents. Oui. Philippe Moins, Pierre-Luc Grandjean, en passant par. Pascal Faure, voilà, Pascal Faure, donc de Canal Plus, donc des gens complètement différents. Il y a aussi l'idée qui est importante pour la nef de l'écriture. Sur l'animation, c'est-à-dire que là on parle d'écriture de l'animation, comment écrire comment écrire un scénario, etc. Ce qui manque beaucoup, et on sait qu'il pêche, tout ce qu'on a dit ce matin pêche aussi par rapport à ça, c'est par le manque d'écriture théorique qu'il y a sur l'animation, et ça la NEF veut quand même aussi... C'est ça, c'est ensemble. Écriture et recherche de l'animation, mais aussi sur l'animation, et ça c'est... Alors les chercheurs qui souhaitaient se fédérer autour de ça, et parce qu'il y a une sorte d'ébullition là, qui commence aussi avec des thèses qui sont publiées, etc. Et puis, il y a un manque. Enfin, il y a quelque chose qui a été assez... on s'est figuré qu'il y a quelque chose quoi, à faire au niveau de la critique, au niveau de comment on parle de l'animation, alors surtout les francophones. Quoi. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est francophone. L'un des premiers points importants va être le 26 et 27 septembre à l'INA à Paris. Il y a un colloque sur l'analyse des films d'animation, qui est un colloque qui avait été suivi. D'ailleurs, Marie Bacoquet dans la salle avait, si je ne dis pas de bêtises, participé à un colloque par rapport justement à l'animation dite limitée. Je ne dis pas de bêtises, c'est bon. Donc ça c'est dans le même style de colloque, sauf que là, on va parler de l'analyse des films d'animation. Ouais. Et j'insiste aussi sur le fait que on est une plateforme qui souhaite regrouper les professionnels, les étudiants, tout le monde, quoi. Et bon, voilà, c'est pas parce qu'il y a écrit colloque que c'est que pour les universitaires, au contraire. On veut que ça se nourrisse mutuellement, c'est-à-dire les créateurs nourrissent les universitaires, on souhaite vraiment, c'est très utopique, c'est génial, on est vraiment dans une dynamique super positive de créer des liens qui se nourrissent entre eux pour vraiment porter, et pas que l'animation française d'ailleurs, mais le projet de... L'importance aussi est de montrer, tout à l'heure on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'était important, et je sais qu'on en avait parlé, sans être un levier évidemment de pression par rapport au CNC ou des choses comme ça, on n'en arrive pas à là, mais quand même l'idée de se dire c'est quoi l'écriture. Tout à l'heure on avait un grand débat par rapport à l'écriture, et de se dire est-ce que c'est un scénario, est-ce que c'est le storyboard, est-ce que c'est... Il y a au moins ces réflexions-là. C'est-à-dire ces réflexions qui sont... qui tentent d'être menées, et en plus, avec le CNC, Alice de la Lande est souvent là, Anne Cartobi, enfin voilà, donc il y a cette envie aussi. Oui, il y a sans cesse des choses à dire, et c'est effectivement très intéressant, parce que chacun a son point de vue là-dessus, mais nous, quand on parle d'écriture, on ne parle pas nécessairement, même si ça fait partie, du scénario, tout de suite. C'est vraiment l'écriture au sens très large, c'est la concrétisation d'une idée, quelle que soit la forme, même par storyboard direct ou même film directement, ça arrive quelquefois. Et donc voilà, c'est vraiment de l'idée à au moment où on commence à concrétiser réellement. Et c'est quand même beaucoup, ça traite beaucoup plus, c'est beaucoup plus large que le scénario seul. Quoi. Toi, au-delà de la nef, évidemment, tu suis depuis longtemps les résidences de Fontevraud. Pas si longtemps. Quand même. Et non, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi le dialogue. Et c'est vrai que c'est important, ils le disent aussi bien sortant de l'école, aussi bien, et c'est quelque chose qui est quand même, on en parle depuis le début de la matinée presque, cette idée de soi-disant, de cet auteur soi-disant un peu solitaire, qui se perd complètement là, l'animation de plus en plus, on a cette idée de collaborer, et j'ai l'impression, moi, quand je viens à Fontevraud, qu'il y a ça, il y a les dialogues entre les résidents, avoir des nationalités différentes, des âges différents, etc. Ouais. Bah, chacun vit les choses comme ils veulent. Hein. C'est vrai que si jamais ils veulent se cloîtrer et écrire leur truc, on va pas non plus empêcher. Mais on crée des circonstances, en tout cas. Et ça, c'est, effectivement, ça marche plutôt bien. Quelquefois, même, les gens parlent pas la même langue, etc. Mais évidemment, on crée un microcosme d'animation dans un lieu fermé. Donc, c'est une expérience intéressante. Et ça crée, des choses, des échanges qui, quelquefois, sont hyper... Enfin, portent des fruits qui changent radicalement un fil ou qui... Voilà, change aussi le cours d'une vie. Enfin, je suis pas en train de m'avancer, mais réellement, il y a vraiment des gens qui nous ont dit « Non, la résidence Fontevraud, ça a changé ma vie. » Autour du lac, par exemple, et un film qu'ils ont réalisé en se disant... Ils avaient tenté, je crois, plusieurs fois, d'après ce qu'ils disaient, Fontevraud. Ouais, et puis quand ils sont Fontevraud, voilà, ils sont Fontevraud, ils se sont dit « On va faire un film en très rapide, qu'on va essayer de foncer, puisqu'on nous l'a refusé tant que ça, voilà, on va faire là un film. » C'était pas pour la même chose qu'ils avaient demandé une résidence, mais de toute façon, on n'est pas sur le dos des gens, on n'est pas là pour ça, enfin, surtout moi, j'ai pas du tout la légitimité de faire ça, mais c'est super parce qu'il y a une énergie créatrice et on est super, super ravis des résultats qu'on ne demande pas, de résultats, on est là au stade initial d'un projet, donc c'est un peu délicat, mais il y a des choses super qui sortent, on est super content d'avoir des films en compétition, d'avoir des choses très belles, très différentes, qui témoignent complètement du fait que ce soit varié et que ça vaut le coup de miser sur des idées, de la recherche et des choses qui ne sont pas nécessairement formatées. Quoi. Alors la NEF a besoin, vous pouvez... C'est pas pour ça que je les ai invités, mais en tout cas, il y a la possibilité de... Il y a la possibilité d'adhérer, bien sûr. Voilà. Il y a aussi la possibilité juste de s'inscrire à la newsletter ou d'aller à des événements. Enfin, c'est pas juste pour nos adhérents, mais évidemment, si vous avez de l'argent et que vous voulez nous aider... Si vous avez des gens qui ont de l'argent aussi, voilà. Et si vous voulez, n'hésitez pas, on va quand même, avant de finir... et je suis désolé, je passerai... Non, mais il n'y aura pas de... Non, c'est pour ça qu'on peut prendre notre D'accord. temps. Voilà, c'est que midi 17, il faut après qu'on libère la salle. Mais il y a une petite image de Marie-Hélène Turcotte sur le non, sur mais, flyer. Non, mais j'essaierai de le passer de toute façon demain, ça va très bien aussi. Juste, j'aimerais quand même qu'on s'arrête deux secondes sur, parce que c'est intéressant, ça existe depuis quelques années maintenant, sur les chemins de la création, c'est la cinquième rencontre. Ouais. C'est le 7 et le 8 octobre, c'est aussi une manière de voir la baie de Fontevraud. Si vous avez l'occasion de venir, c'est bien. Parce qu'en plus, de voir les résidents aussi. Ouais, de voir les résidents, et puis c'est bien parce qu'en plus, vous pouvez être dans l'abbaye tard le soir, parce que c'est ouvert uniquement pour nous, donc ça c'est pas mal. Non, c'est vrai, c'est un bon truc aussi. Et donc il y aura, juste rapidement pour le programme, c'est un peu compliqué d'aller à Fontevraud, ça c'est un peu complexe, alors, il faut mettre en voiture. Ouais, ceci étant, il y a toujours l'animabus. Alors voilà, il y a l'animabus qui amène l'AFCA. Mais vous avez, juste pour vous dire, donc l'ouverture c'est des rencontres, c'est avec des auteurs en résidence, donc vous avez en effet tout un tas de réalisateurs avec des films complètement différents, passionnants pour les rencontrer. Il y a de nouvelles écritures et de nouveaux formats. On en a parlé tout à l'heure, les conditions de la création avec Caroline Attia-Larivière notamment, Amélie Haro, qui a participé évidemment à une série. Donc voir comment elles passent du court-métrage même à la série. Les résidences, on va beaucoup parler des résidences, c'est quelque chose de nouveau et qui fonctionne très bien. À la fois le chemin de la création, le forum des images veut aussi mettre un peu l'accent donc en décembre sur les résidences, l'importance, et vous le savez, d'un auteur de prendre un temps où il ne pense qu'à son écriture, qu'à sa réflexion. On sait à quel point aujourd'hui évidemment c'est fondamental, c'est la preuve, oui. Voilà, avec Philippe Germain de Cyclip, Tim Leband d'Animation Workshop. Rémi Chiaillet sera là avec Julien David et Florence Mieille pour parler de storyboard et narration, pour vous dire, conversation avec Stéphane Aubier et Vincent Patard, ça vaut quand même la peine de venir, par Philippe Moins, en plus c'est bien parce que vous pouvez leur parler après. Je vous dis tout ça, David Cocardasso sera là avec Émilie Mercier. Michael Ludovic sera là aussi, il n'est pas dans le programme. Il n'est pas, voilà, Michael Ludovic pour vous dire, Zaza Ezik, célèbre décorateur, seront là aussi. Voilà, c'est toujours des choses un peu étranges entre sciences cognitives et cinéma d'animation. Oui, ça c'est toujours, mais on adore ça ronde. En oui, fait. Oui. Ouais. Là c'est plutôt sur la perception et tout, je pense que ça va être super intéressant, ces trucs assez courts parce que et c'est un peu chargé. Mais... Voilà, c'est un petit peu, et puis voilà, c'est vraiment passionnant. Et il y aura également, excuse-moi, il y a aussi le grand méchant renard, parce que je sais que c'est un work in progress qui a été bien suivi là sur Annecy et il n'y avait plus de place. Donc, donc voilà, juste, c'est pas faire de la pub, c'est un aussi... se rendre compte que faire des rencontres comme ça, alors là je parle notamment aux un peu plus jeunes auteurs, je sais que des fois on se dit oh, pourquoi, faut que j'y aille, etc. Mais ça souvent, c'est finalement pas si cher que ça, et surtout ça vous permet d'aller, et ce qui est souvent un peu frustrant dans ces rencontres, de pas pouvoir parler des fois avec les auteurs, et encore plus à Annecy, on a souvent pas l'occasion malheureusement d'avoir le temps de parler aux auteurs, c'est de pouvoir parler aux auteurs. C'est que je peux vous dire, par exemple, le soir, il y a des temps on est que 150... Donc en fin de compte, ça, voilà, c'est vrai, on mange ensemble et tout, c'est pas mal. Et ouais, c'est assez passionnant. Et la nef, évidemment, sera peut-être, on l'espère en tout cas, parce que pour l'instant c'est pas annoncé, il y aura peut-être une résidence pour le long métrage qui est en train de peut-être se mettre en place dans un studio du Sud, j'en dirai pas plus. Et c'est en assez passionnant. En tout cas, il y a des projets en cours, voilà, ça c'est sûr.